soleil qui s'enfuit, de voir ses feuilles presque mortes, que déjà le vent les emporte. C'est comme dans un mauvais film où les méchants frappent à la porte. Aucune issue pour qu'on s'en sorte. Les images se figent en moi. Aide-moi, on se croirait au cinéma. C'est certainement. D'autres mots résonnent. Dieu a dit que toutes les âmes sont bonnes, que nul n'est pauvre ici, croyant en l'amour qui se donne, mais tout s'écroule. La la la. Ses croyances, du haut de tous mes superflus, les certitudes balancent. Après le vacarme, le silence. Plus je m'élève, plus j'ai froid. Aide-moi, le vertige m'étourdit déjà. C'est certainement que la folie. D'autres n'ont même plus la vie. Dieu a dit. Hommes, mais de New York à Bali, d'autres mots résonnent. Dieu a dit que toutes les âmes sont bonnes, que nul n'est pauvre ici, croyant en l'amour qui se donne. Tout s'écroule.